Bienvenue sur le podcast Inspire. Je suis Élodie Fiquet, à l'initiative de ce projet. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités qui ont un lien avec la Picardie. Ils y sont nés et y vivent encore, ou l'ont quitté, et certains ont même choisi d'agir dans la région. Pendant environ 45 minutes, j'échange avec eux afin d'en savoir un peu plus sur leur parcours. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes Podcast afin que celui-ci soit référencé. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion et également les pages Facebook et Instagram inspire.lepodcast. Dans ce premier numéro, je pars à la rencontre de Guillaume Villemot. Guillaume a 33 ans et vit à Amiens depuis quelques années. Après avoir travaillé dans l'audiovisuel, il quitte son mode de vie pour se consacrer à l'environnement, avec pour mission de nettoyer les espaces naturels de la ville. Je vous laisse donc en compagnie de Guillaume Villemot. Alors bonjour Guillaume, alors merci pour l'accueil, on est chez toi, dans ta cuisine, en face du parc de la Haute-Oie à Amiens. J'ai juste te laisser, avant de commencer, te présenter rapidement. Alors bonjour Élodie, merci d'être venue ici chez moi. Je suis Guillaume Villemot. Vous ne me connaissez peut-être pas, je suis revenu ici à Amiens il y a maintenant trois ans, alors que j'étais en région parisienne. Je suis âgé de 33 ans et j'ai deux enfants, Martin et Paul. Tu faisais quoi avant ? Avant cela, j'étais à Paris et je travaillais dans l'audiovisuel. J'étais monteur vidéo pour les chaînes de télé, les sociétés de production. J'ai commencé à travailler sur Paris chez M6 de nuit. Cela a duré pendant 2 ans où voilà, j'étais intermittent du spectacle et je gagnais très bien ma vie, ça me convenait. Mon ex-femme était caméraman et nous vivions une vie de jeunes Parisiens actifs dans un environnement professionnel qui n'était pas l'un des plus qui était très très plaisant. Moi je voudrais savoir, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur Amiens ? Parce que tu l'as dit, tu viens de la région parisienne. Pourquoi Amiens ? Alors je suis revenu à Amiens dans l'espoir de vivre une autre vie, en tout cas celle que je connaissais en région parisienne. Je suis originaire du nord de la France. Je suis venu plus tard, à l'adolescence, collège, lycée, ici à Amiens. Amiens, la Somme, les communes autour d'Amiens que je connais bien. J'y ai donc fait mon lycée et après les études que j'ai poursuivies à Saint-Quentin dans l'Aisne, je suis parti à Paris car mon métier, l'audiovisuel, le montage vidéo, s'exerçait plutôt à Paris. Et j'y suis resté 8-9 ans avant de revenir ici à Amiens après avoir vécu de nombreuses aventures dans l'audiovisuel, la télévision, les entreprises digitales, communication et après avoir accueilli dans ma vie ces deux petits garçons, Martin et Paul. Et vous savez comment donc les enfants modifient une vie de famille. C'est une grande joie de les accueillir et à partir de là, j'ai eu l'envie, une envie partagée de venir ici à Amiens, d'être plus proche de mes aspirations, avoir une vie un peu plus au contact de la nature, chose que je ne connaissais pas là où j'étais à Paris, à la plaine Saint-Denis. C'est en quelque sorte un retour aux sources car j'ai beaucoup déménagé depuis l'enfance en suivant mes parents, mais je considère vraiment Amiens comme ma ville d'adoption et c'est vraiment le lieu où je me sens le mieux dans le monde. C'est vraiment ici mon village et je l'ai retrouvé il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on en vient à travailler dans l'audiovisuel ? C'était quelque chose, ça faisait partie de tes rêves d'enfant ? J'ai découvert l'audiovisuel, la vidéo au lycée Robert Delusarche à Amiens. Lorsque je suis arrivé donc en seconde, il y avait là une option cinéma audiovisuel. Et très vite, je me suis découvert une passion qui était le montage vidéo. Le montage vidéo, et c'était très, très concret puisque après les cours, et même pendant les cours, nous faisions de nombreux projets vidéo, des courts-métrages, des reportages, des interviews, et des projets que je continuais même bien au-delà du cadre scolaire avec des amis. Et tout cela occupait mes vacances scolaires, mes week-ends. C'était une vraie passion, quoi. C'était une vraie passion. C'était les caméras, les ordinateurs, les logiciels de montage vidéo, les effets. Et puis c'était aussi un bon moyen de partir à l'aventure de mon environnement, de m'intéresser à de nombreux sujets, d'avoir ce prétexte-là qui était la caméra pour approcher des métiers, des gens passionnés, des lieux dans lesquels je n'aurais jamais pu rentrer sans une caméra. Ok. Si, ça va être une question un petit peu bateau, mais s'il y a 10 ans, on t'avait dit que tu serais là aujourd'hui, comment t'aurais réagi ? Je ne pensais vraiment pas revenir à Amiens. J'ai commencé donc une carrière professionnelle dans l'audiovisuel. J'étais, je pense, assez doué dans ce que je faisais. J'arrivais à nouer beaucoup de contacts dans l'univers professionnel à Paris, à travers des sociétés de production, la télévision. Je travaillais beaucoup, ma vie sur le plan financier me satisfaisait grandement, mais j'avais envie de plus. J'avais envie de plus et j'aimais beaucoup dans cet univers-là aller de boîte en boîte, découvrir de nouvelles personnes, m'intéresser à de nouveaux sujets au travers des reportages, des émissions auxquelles je participais. Et je me voyais rester à Paris et me construire à Paris, construire une vie de famille bien sûr, et prospérer à Paris, sauf que voilà, à l'expérience, très rapidement, après une première acquisition, parlons comme ça, un premier achat, une maison, un appartement, on se retrouvait dans un environnement très urbain, loin de toute nature, loin des arbres, de ce que j'ai pu connaître étant enfant dans les communes du nord de la France, appelons ça aujourd'hui Hauts-de-France également. Je suis né en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et plus précisément à Douai. Donc j'ai bien connu toute cette nature que j'adorais dans le nord. J'ai voulu retrouver du coup tout cela ici à Amiens. Amiens, cette ville qui m'a accompagné durant toute mon adolescence et jusqu'à à l'âge jeune adulte. Ok. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, on se connaît un petit peu et puis on a parlé un petit peu en off et j'ai eu quelques renseignements. Tu étais monteur. T'as réalisé des courts-métrages notamment qui ont été au niveau du film international d'Amiens. Tu plaques tout et tu reviens à Amiens comme un retour aux sources, j'ai envie de dire. Oui, il y a eu des périodes dans la vie. Il y a eu des périodes, je ne suis pas bien vieux, j'ai 33 ans. Je dis dans la vie parce que j'ai eu de nombreuses expériences professionnelles, associatives. Je me suis intéressé à beaucoup de sujets et j'ai eu déjà cette sensation-là d'avoir vécu plusieurs vies du haut de mes 33 ans, car très tôt, je me suis vraiment intéressé à beaucoup de choses. Dès l'enfance, très grande curiosité sur des sujets en lien avec la nature, hein, et des activités comme la pêche, mais... Voilà, les animaux que j'adorais. Et ma chambre était, à un moment donné, très petit. J'étais dans un zoo. C'était presque un zoo où j'avais des oiseaux, des tortues, des poissons, des phasmes, des hamsters. Ouais, maintenant, en y repensant, c'est un peu, limite, je dirais. Et je ne me vois plus aujourd'hui aussi avoir des animaux à l'intérieur chez moi. Je pense que les animaux sont bien mieux en liberté et j'apprécie vraiment de les voir vivre, hein, tout autour de nous ici à Amiens. Le héron, bien sûr, ouais. Cet oiseau majestueux et très grand que j'affectionne. Qu'on voit le long du chemin de Halage quand on s'y promène. qu'on peut apercevoir. Et je te racontais aussi que dernièrement, j'ai eu l'occasion et le bonheur de voir une nichée juste en face de ma fenêtre, ici à la Haute-Oise. Et vraiment, je suis très heureux de voir ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir perdurer dans le temps. Et ce qui me dispose aujourd'hui à réfléchir, mais aussi à passer à l'action sur voilà, comment préserver mes rêves d'enfant qui étaient du coup tout autour de cela, la nature et toutes les activités que je pouvais exercer dans ce cadre. Ok. Aujourd'hui, à Amiens, t'es plutôt actif et très tourné vers l'environnement. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais et comment ça t'est venu, l'environnement ? Oui, alors, depuis maintenant quelques mois, j'ai posé mes bagages, mes valises ici à Amiens, en me disant que j'allais y rester pour de bon. Vraiment, ici, je me sens bien et j'ai le temps. J'ai le temps de vivre avec tous les habitants, avec mes amis, mes collègues, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à travers les associations. Et j'adore aller au contact des habitants. Et donc il y a eu un temps où, à un moment donné, il a fallu se poser un petit peu et renouer contact avec mon environnement composé d'humains, bien sûr, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans les clubs sportifs, les associations, les marchés, et aussi reprendre des repères, regarder le monde qui m'entoure. Dès lors que je franchis le seuil de ma porte chez moi, voilà, je vois les choses un peu plus du côté de ce que j'ai pu imaginer pendant quelques années à Paris, tout ce qui me manquait, voilà, je le retrouve ici à Amiens, et j'avais l'envie de m'investir, j'ai l'envie en tout cas de m'investir pour préserver tout cela, c'est-à-dire ce cadre qui est, je pense, beaucoup plus vivable que le cadre de ces grandes villes-là. Ok, donc c'est la nature, c'est le fait de la voir, de l'aimer depuis tout petit, qui fait que aujourd'hui à Amiens, essentiellement, t'es connu, en tout cas dans le milieu associatif, mais surtout dans le milieu de l'environnement, la protection de l'environnement. Qu'est-ce que tu fais pour ça ? Alors depuis quelques mois maintenant, et ça a commencé avec l'opération Hauts-de-France propre, j'ai initié plusieurs ramassages de déchets en lien avec les habitants. Ça a été dans un premier temps d'inviter les copains, les amis de Renin Amiens, des associations que j'ai pu rencontrer et m'investir. Je pense à la Maison des Familles, je pense aux amis de l'Ortillon de Lune, Jean-Louis Christen à Rivry, à venir me rejoindre et à participer à une action simple qui est de ramasser un déchet. Et très vite, en fait, j'ai été rejoint par de nombreuses personnes et sur un événement que j'ai initié sur une soixantaine de personnes, et bien plus de 80% des personnes, je ne les connaissais pas et j'ai appris à les connaître. Nous sommes rencontrés autour de cette action-là, qui était de ramasser des déchets pour nettoyer notre environnement, et au-delà même, simplement de l'action de participer à ce nettoyage, de prendre le temps ensemble d'observer la nature, et d'admirer ce bien commun que nous avons ici à Amiens et de se poser des questions sur comment allons-nous dans le temps continuer à pouvoir vivre cette expérience qui est, je dirais, vraiment, il faut le savoir, très très propre à Amiens. Propre à Amiens, je dirais, parce que revenant de Paris, la région parisienne, et ayant vu la façon dont la société se développait, la ville se développait, le tissu urbain, eh bien, à son apogée, on se rend compte que oui, la nature est oubliée, et que nous avons encore cela à Amiens, et qu'il serait bon maintenant et dès maintenant de se poser les questions et d'agir. Okay. C'est vrai qu'à Amiens, on a un peu la chance que c'est au niveau de la nature, c'est quand même une ville qui est quand même assez incroyable. On a 3 grands parcs, dont 2 en hypercentre. On a les ortillonnages qui sont très connus, on a beaucoup de marais. On sort d'Amiens, je crois, on fait 5-10 minutes de vélo ou de voiture, on est en pleine campagne. Du coup, c'était un peu comme une évidence pour toi de le faire à Amiens et pas ailleurs. Amiens, c'était une évidence de le faire ici à Amiens, parce que c'est le lieu dans lequel je me sens le mieux, je dirais, après de nombreux déménagements. Amiens est la ville que je considère être comme ma ville d'adoption, celle que je connais de longue date maintenant, depuis mon adolescence. J'ai 33 ans, voilà, j'ai connu Amiens à l'âge de 15 ans, donc ça fait maintenant quelques années que je connais cette ville. Et voilà, Amiens est pour moi une grande maison. Une grande maison, et telle ma petite amiénoise, j'ai envie de prendre soin d'Amiens et d'être là et d'avoir ma part de responsabilité dans mon environnement. Voilà, j'ai commencé donc par faire des ramassages de déchets, mais je suis aussi impliqué dans d'autres activités. Tu peux nous en parler, ces autres activités ? Oui, oui, oui. Il y a d'autres sujets que je porte à cœur et qui sont du coup en lien avec la nature, la terre, ici à Amiens, et notamment l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, c'est un grand mot, le maraîchage, qui repose aujourd'hui sur quelques maraîchers, disons 5-7 maraîchers qui aujourd'hui font ce métier au niveau des ortillonnages. Et dans ce sens, je participe du coup à l'association des Amis de l'Ortillon de Lune, qui est une AMAP en fait, qui est une association de maintien de l'agriculture paysanne. Alors, par un système de panier, nous soutenons du coup un agriculteur qui est Jean-Louis Christen, qui a une démarche bio et responsable envers une agriculture locale, de proximité, produit voilà, à une échelle humaine des légumes, et que nous pouvons du coup acheter tout simplement au marché, rencontrer de nombreuses personnes tout autour de ce marché. Et profiter des fruits de la terre, et c'est quelque chose de très important. Vraiment, je crois que la question de ce que nous mangeons, ce qu'il y a dans notre assiette, résume beaucoup de choses en vérité. Alors, c'est d'autant plus important pour toi, parce que tu me disais tout à l'heure, ce que je ne savais pas du tout, c'est que tu as fait un CAP maraîchage à côté d'Amiens. Mmh. Du coup, tu as la rencontre de ces maraîchers amiénois et un peu du grand amiénois aussi. C'est en lien avec ton envie de prendre soin toujours de la nature et de faire en sorte qu'elle soit propre, en tout cas. Effectivement, donc j'ai passé 6 mois de ma vie à faire un CAP agricole au lycée Le Paraclet à Amiens, car j'avais ce besoin-là de me reconnecter à la terre ici. J'avais besoin de déconstruire un peu le mode de vie dans lequel je vivais. Un monde très, très artificiel, très, très loin de la nature, du sol. Et je crois que profondément, j'avais perdu le fil un peu, le fil des choses. Voilà. Et il me semblait bon, à un moment donné de ma vie, de me rapprocher voilà, de cette terre-là et de voir comment, autrement, je pouvais peut-être travailler et être en lien à la fois avec la terre, en lien avec d'autres personnes, et dans l'idée de créer une activité voilà, tout autour de ça. Alors, on a parlé de l'opération de nettoyage des marais, on a parlé de ton côté maraîchage et au niveau des AMAP. Comment tu vois évoluer tout ça? Parce que je pense que ça te prend beaucoup de temps. T'as eu quand même de nombreux retours auxquels tu t'attendais peut-être pas forcément quand tu as commencé ta petite opération de on prend des gants et on ramasse un peu les poubelles dans les parcs. Comment tu vois les choses évoluer aujourd'hui? Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces actions avec le plus grand nombre, étant entouré de nombreuses personnes ici à Amiens. Nous avons eu de beaux résultats. Simplement, lorsque, au bout d'une heure passée ensemble, nous arrivons à nettoyer des lieux complets, à ramasser des kilos de déchets, cela nous amène une grande satisfaction. Voir aussi que les gens que j'ai pu rencontrer du coup à ces moments-là reviennent et ont l'envie de s'investir davantage au bénéfice de leur environnement et de la nature, en tout cas de ce concept-là de nature que chacun a et que nous essayons de partager de différentes manières, soit au travers de ce que nous mangeons, d'activités de loisirs, d'activités créatives. Mmh. Tout cela... T'as envie de le faire prospérer, en fait. Ouais. Comment tu souhaiterais que ça prospère? Parce que je crois que t'es tout seul en ce moment à gérer ça, ou vous êtes deux. Tu n'es pas salarié, ça te prend beaucoup de temps, je suppose. Comment faire? Alors, je sais qu'il y a eu un écho dans la presse, en tout cas locale et régionale. Mais toi, comment tu le vois dans l'avenir? Est-ce que tu es plutôt positif en disant, voilà, ou tu souhaites que ce soit un rendez-vous? Comment tu veux le voir évoluer, ça? Alors, très vite, en organisant ces ramassages de déchets, je me suis rendu compte que tout autour de moi, il y avait de nombreuses personnes qui avaient vraiment un intérêt particulier pour la nature, pour la faune, pour la flore, pour l'aspect paysager. Avec l'envie d'être acteur, partie prenant vraiment de leur environnement. Je me suis rendu compte de cela après que ces mêmes personnes... Ils étaient demandeurs. Oui, les gens sont très demandeurs, ont envie de faire, ne savent pas où, ne savent pas comment. Oui, parfois, il faut simplement donner une impulsion, une invitation, prendre la responsabilité du moment. Et à partir de là, très vite, on se rend compte que, eh bien, à partir de rien, on peut souvent faire de belles choses. Bien sûr, des ramassages de déchets qui nous a du coup rapprochés des marais, des zones humides d'Amiens, de ces lieux, de ces plans d'eau, ces cours d'eau. Là où les services de la ville ne vont pas forcément ou ne peuvent pas y aller. Et à la suite du premier rassemblement, donc à la suite de la première opération de ramassage de déchets Hauts-de-France propre, comme cela a très bien fonctionné, j'ai eu l'envie de reproduire, hein, de continuer dans d'autres lieux, à Amiens. Le premier était le Petit Marais, le parc du Grand Marais à Étouvie. Cela a été ensuite au Marais au Bœuf à Camon. Ouais. Et là, j'ai retrouvé les mêmes personnes avec les mêmes échanges, les mêmes dialogues autour de la nature. Vraiment l'intérêt propre, hein, pour la faune, la flore, les plantes. Tout cela m'a amené à me positionner, à me dire qu'il y avait là l'envie de se rassembler, l'envie de faire quelque chose ensemble, de redécouvrir aussi ensemble notre environnement. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'y participer à chaque fois parce que j'avais d'autres obligations. Mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça avait eu beaucoup d'impact. Parce que notamment, il y a des commentaires de personnes qui disaient Ah, mais on ne savait pas qu'il y avait aujourd'hui un nettoyage, vous n'avez pas assez communiqué dessus. Du coup, je pense que c'est quelque chose que tu as envie de faire aussi, communiquer un petit peu plus dessus. Parce qu'on sent qu'en effet, ça plaît aux gens, quoi. Oui, ça plaît beaucoup. Alors, tout cela, je l'ai organisé de ma propre initiative avec les moyens à dispo. Les réseaux sociaux, que je connais bien, m'ont aidé pour cela. J'ai aussi, du coup, de fil en aiguille, pu contacter les collectivités locales, la presse, Secours Épica. Eu des relais par les villes sur leur panneaux. Monsieur le maire de Camon, Oui, je crois qu'il a d'une action, participé d'ailleurs à... nous a relayé Ouais. sur les panneaux de la ville. Les marais, donc, qui sont vraiment des lieux à préserver. Ces zones humides pour. Cette ville d'Amiens qui dernièrement a reçu un label Ramsar De ville verte, il me semble. d'une ville qui du coup possède un capital naturel qui lui est propre, celui des zones humides, et qui du coup dans ce cadre-là souhaiterait, je pense, trouver des solutions pérennes pour eh bien conserver et maintenir ce capital naturel, je dirais, hein. Du coup, tu comptes en faire, hein, parce que là, pendant les vacances, ça s'est arrêté, ces opérations de nettoyage. Tu comptes reprendre à la rentrée? Oui, alors, dans la lancée, et nous allons du coup poursuivre le 21 septembre dans le cadre du World Cleanup Day. C'est la journée Tu mondiale de nettoyages. nettoyage de notre planète. Et dans ce cadre-là, j'aimerais en tout cas terminer l'année 2019 sur un bouquet final en initiant de nombreux ramassages de déchets au même moment à Amiens, différents lieux. J'espère pouvoir mettre en action ce réseau avec le soutien de la ville d'Amiens, avec qui j'ai de très bons échanges hein, suite aux actions réalisées précédemment, et avec l'association World Cleanup Day Hauts-de-France, qui est basée à Lille, qui du coup m'aide dans l'organisation aussi de ce projet. Donc le 21 septembre, ça approche. Ça ressemble quoi du coup, les journées à l'approche d'un événement comme ça? Alors, ce sont des mails qui tombent toutes les heures et auxquels il faut répondre. Voilà, orchestrer tout ce petit monde ici à Amiens. C'est aussi des réflexions sur comment engager les gens dans un événement de cette ampleur. Comment, au-delà simplement de l'action utile, passer un beau moment tous ensemble. Et donc, pour ce 21 septembre, le World Cleanup Day, nous envisageons, avec d'autres associations, de nous réunir aux terrasses des bords de Somme, au bord de la Somme, sur l'île Saint-Aragon, pour partager un moment de convivialité autour d'un pique-nique, un barbecue. Il y aura même un concert l'après-midi qui permettra de nous réunir et de nous féliciter du travail que nous aurons accompli le matin même aux quatre points d'Amiens. Ok. Bah, en tout cas, moi j'espère que ça va réussir. Et alors, on a parlé de tout ça. Tu nous as dit que en fait, tes journées en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup d'administratifs. On va arriver du coup sur la fin de l'entretien. J'ai juste quelques petites questions. Est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, trois personnes qui t'inspirent et qui du coup... font peut-être que tu es le Guillaume que tu es aujourd'hui. C'est très difficile de se définir avec trois personnes. Notamment parce que si je cite trois personnes, on va me définir à travers ce triangle. Voilà, c'est très réducteur, je trouve, étant donné aussi le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin depuis tant d'années. Il y en a peut-être une ou deux qui vont peut-être sortir du lot, non? Le podcast s'appelle Inspire, et effectivement, il y a des figures, des personnes qui m'inspirent dans ma vie de tous les jours. Des personnes que je peux côtoyer dans l'espace réel, d'autres qui sont aujourd'hui décédés, avec qui je n'ai pas eu de contact direct, mais qui, voilà, par leurs pensées, par leurs verbes, m'insufflent, voilà, un esprit, un état d'esprit que je cultive à travers tout ce que je peux faire au quotidien. Je dirais que, voilà, je suis très très inspiré, je dirais, très inspiré par la vie du Christ, le Christ, voilà, qui m'inspire beaucoup et qui, par analogie, me parle, voilà, dans ce que je réalise. Il y a aussi, et c'est peut-être un peu plus délicat de le dire, je dirais, parce que c'est vraiment quelque chose d'un peu plus intime, plus. C'est, je dirais, la pensée de Rudolf Steiner, qui est connu comme penseur du début du 20e siècle, qui est le fondateur d'un courant de pensée qui s'appelle l'anthroposophie, et dans lequel je trouve de nombreuses réponses et qui aussi inspire, voilà, mes faits et gestes. Plus proche de nous, je pense tout simplement à la personne de Jean-Louis Christen, ici à Amiens, que je côtoie chaque semaine et dont j'admire profondément l'œuvre et l'action politique, si elle en est, tout simplement parce qu'elle est simple, engagée, elle répond à un besoin concret, et elle dure dans le temps. En ce sens, j'aimerais, voilà, lui ressembler beaucoup, et je pense bien à lui chaque jour, vraiment. C'est quelqu'un qui pour moi, voilà, porte de belles valeurs. En tout cas, je partage voilà, de nombreux regards sur le monde avec lui, et voilà ce que je peux dire, donc, des trois personnes qui m'inspirent. D'accord. Est-ce que tu as aussi un, je sais pas, un livre, un film, une série, une œuvre d'art qui t'accompagne souvent ou que tu pourrais conseiller? Une lecture qui t'a marqué peut-être ou quelque chose? Sinon, si t'as pas, tu me diras plus tard et puis je la rajouterai après. Et enfin, ça va être la question finale. C'est quoi pour toi la réussite? Est-ce que tu penses avoir réussi ta vie? Pour moi, la réussite, c'est un devoir. Je crois que j'ai le devoir de réussir dans la vie. Bien souvent, on me dit, ne te mets pas la pression. Eh bien, si, je me mets la pression. Je me mets la pression parce que je pense que nous n'avons pas le choix que de réussir. Et je vis pleinement les choses, et je m'y engage la tête la première à chaque fois, quitte à me cogner. Mais je me relève toujours, et j'y retourne et je vais jusqu'au bout, comme la course que je pratique régulièrement. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Il y a 2 ans, je ne courais pas. Je suis devenu marathonien C'est en vrai. 2 ans. Donc j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, je sais où je peux aller et où je pourrais peut-être être dans 2 ans. En tout cas, je l'espère. Comme on dit, la nature ne se rend jamais, jamais. Et je suis de la nature. Donc j'espère aller le plus loin possible. La réussite des projets dans lesquels je crois, les valeurs, les idées, de les porter au plus haut, avec le plus grand nombre. Je l'espère au bénéfice de mes enfants, qui, à un moment donné, peut-être de leur vie, me diront, ou pas, il faut l'accepter aussi, que voilà, j'ai essayé. Et je n'ai que 33 ans, mais je suis assez lucide pour me dire que la vie passe très rapidement. En tout cas, une bonne partie de ma vie est déjà derrière moi. Je sais qu'il me reste beaucoup de temps encore. Et maintenant, je pense avoir assez d'expérience dans la vie pour prendre le recul et bien faire les choses, en tout cas les aligner dans le bon sens. Donc, voilà, j'espère réussir. En tout cas, je vais réussir, c'est sûr. Et si ce n'est pas de la façon dont je l'avais imaginé, ce sera d'une autre manière. Je n'aurais peut-être pas réussi pour moi, j'aurais réussi pour un autre. Et je suis très, très excité à l'idée de vivre finalement le futur et de voir ce qu'il me réserve. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Merci Guillaume. Et puis, ben, en tout cas, moi, j'espère que pour le 25 septembre, ça a beaucoup marché. J'espère que l'opération de nettoyer les marais va aussi prospérer. Et puis, je te remercie pour cet échange. Bien, merci à toi. Je tiens une fois de plus à remercier Guillaume pour sa confiance, son temps et sa disponibilité. Vous trouverez en description les contacts de Guillaume ainsi que les références citées lors de notre échange. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très vite pour la découverte d'une nouvelle personnalité.